Section 5. La tradition. Dites-moi ce que c'est que la tradition. La tradition est la parole de Dieu qui n'est pas écrite, mais qui, communiquée de vive voix par Jésus-Christ et par les apôtres, est parvenue sans altération de siècle en siècle jusqu'à nous par le moyen de l'Église. Où sont contenus les enseignements de la tradition? Les enseignements de la tradition sont contenus principalement dans les décrets des conciles, les écrits des saints-pères, les actes du Saint-Siège, les paroles et les usages de la liturgie sacrée. Quel cas faut-il faire de la tradition? Il faut faire de la tradition le même cas que de la parole de Dieu révélée que contient l'Écriture sainte. Section 6. L'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? L'espérance est une vertu surnaturelle infuse par Dieu dans notre âme, par laquelle nous désirons et nous attendons la vie éternelle que Dieu a promise à ses serviteurs et les secours nécessaires pour l'obtenir. Pour quel motif devons-nous espérer de Dieu le paradis et les secours nécessaires pour le gagner? Nous devons espérer de Dieu le paradis et les secours nécessaires pour le gagner, parce que Dieu, très miséricordieux, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, l'a promis à qui le sert de tout cœur. Et comme il est très fidèle et tout-puissant, il tient toujours ses promesses. Quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir le paradis? Les conditions nécessaires pour obtenir le paradis sont la grâce de Dieu, l'exercice des bonnes œuvres et la persévérance jusqu'à la mort dans son saint amour. Comment perd-on l'espérance? On perd l'espérance toutes les fois qu'on perd la foi. On la perd encore par les péchés de désespoir ou de présomption. Comment recouvre-t-on l'espérance perdue? On recouvre l'espérance perdue en se repentant du péché commis et en s'excitant de nouveau à la confiance en la bonté divine. Section 7. La charité. Qu'est-ce que la charité? La charité est une vertu surnaturelle, infuse par Dieu dans notre âme, par laquelle nous aimons Dieu pour lui-même par-dessus toutes choses, et le prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Pour quel motif devons-nous aimer Dieu? Nous devons aimer Dieu parce qu'il est le souverain bien, infiniment bon et parfait. Nous devons aussi l'aimer à cause du commandement qu'il nous en a fait et des grands bienfaits que nous recevons de lui. Comment doit-on aimer Dieu? On doit aimer Dieu par-dessus toute chose, de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toutes ses forces. Qu'est-ce qu'aimer Dieu par-dessus toute chose? Aimer Dieu par-dessus toute chose, c'est le préférer à toutes les créatures les plus chères et les plus parfaites, et être disposé à perdre tout plutôt que de l'offenser et de cesser de l'aimer. Qu'est-ce qu'aimer Dieu de tout notre cœur? Aimer Dieu de tout notre cœur, c'est lui consacrer tous nos sentiments. Qu'est-ce qu'aimer Dieu de tout notre esprit? Aimer Dieu de tout notre esprit, c'est diriger vers lui toutes nos pensées. Qu'est-ce qu'aimer Dieu de toute notre âme? Aimer Dieu de toute notre âme, c'est lui consacrer l'usage de toutes les puissances de notre âme. Qu'est-ce qu'aimer Dieu de toutes nos forces? Aimer Dieu de toutes nos forces, c'est nous efforcer de grandir toujours davantage dans son amour et faire en sorte que toutes nos actions aient pour motif et pour fin son amour et le désir de lui plaire. Pourquoi devons-nous aimer le prochain? Nous devons aimer le prochain pour l'amour de Dieu, parce qu'il nous le commande et parce que tout homme est à son image. Sommes-nous obligés d'aimer aussi nos ennemis? Oui, nous sommes obligés d'aimer nos ennemis parce que eux aussi sont notre prochain et parce que Jésus-Christ nous en a fait un commandement formel. Qu'est-ce qu'aimer le prochain comme soi-même? Aimer le prochain comme soi-même, c'est lui désirer et lui faire autant qu'on le peut le bien que nous devons désirer pour nous-mêmes, et ne lui désirer et ne lui faire aucun mal. Quand est-ce que nous nous aimons comme il faut? Nous nous aimons comme il faut quand nous cherchons à servir Dieu et à mettre en lui notre fidélité. Nous nous aimons comme il faut quand nous cherchons à servir Dieu et à mettre en lui notre félicité. Comment perd-on la charité? On perd la charité par tout péché mortel. Comment recouvre-t-on la charité? On recouvre la charité en faisant des actes d'amour de Dieu, en se repentant et en se confessant comme il faut.